Cromwell par M. Delaroche, de Horace de Vielcastel. La hache d'un bourreau s'éteint encore une fois du sang des Stuarts. Charles Ier vient de recueillir le dernier héritage de son aïeul, et Whitehall l'a reçu sans vie au sortir de l'échafaud. Placé sur deux énormes chaises de velours, éclairées par ceux que des volets à demi ouverts laissent arriver de lumière, une bière de quelques pieds de longueur enferme en ce moment toute la royauté d'Angleterre. Un repos de mort règne au milieu de la silencieuse poussière de cet appartement. Point de cierges, d'encens, de serviteurs et d'amis en prière auprès du cercueil de l'infortuné Charles Ier. Mais un homme que, certes, lui vivant, il n'eût point supporté si près. Un homme, d'un extérieur froid, lourd et commun, a soulevé la draperie de velours et le couvercle de la bière, sans scrupule et sans terreur. Il a voulu voir si la mort ne s'était point trompée, et si le bourreau avait bien fait son devoir. Enfin, il est venu chercher près du cadavre de son roi l'indication de sa route future, et cet homme, c'est Cromwell. Cromwell, accusateur et juge, Cromwell, ordonnateur du supplice, a voulu toucher la large plaie et le sang qui en découlait, comme si chaque goutte de ce sang emportait, en s'écoulant, les débris de la royauté anglaise. C'était là un corps bien constitué, a-t-il dit, et qui promettait une longue vie. Puis le silence du lieu, le respect de la mort et peut-être les superstitions d'enfance sont-elles revenues au cœur de l'homme qui, s'élevant au-dessus de tout Israël, a osé se charger des vengeances du peuple. Son front s'est incliné, tout ridé de pensées soucieux, comme pour rendre hommage à la majesté empreinte sur la face royale. C'était un magnifique et beau spectacle que ces dernières entrevues du vainqueur et du vaincu, l'aristocratie et la réforme, le pouvoir absolu et le régime démocratique. On ne sait quelle sorte de fascination retint sans respiration et sans mouvement Cromwell près du cadavre de Charles Ier, mais il y resta longtemps, immobile comme une statue de mausolée. Adressait-il à Dieu des prières pour celui que l'implacable nécessité l'avait forcé de rejeter de sa route? Était-ce de l'orgueil satisfait, de la pitié ou quelque ardent désir de surprendre à la mort quelqu'un de ses impénétrables secrets? Cromwell était seul, dépouillé de son manteau d'hypocrisie, et la main d'un bourreau empreinte sur le cou d'un roi, le souvenir de la singulière destinée qu'il avait enchaînée à l'Angleterre. Lui, fugitif et partant pour l'exil, il y avait à peine 11 ans, l'avait pris par la main, l'avait poussé, détruisant et renversant jusque sur les marches du trône, où il n'avait osé prendre une place encore tachée du sang de son dernier maître. Tout cela frappait l'âme de fer de Cromwell d'une grande impression, et le laissait vaincu de toute son émotion, lui, fort et puissant, auprès d'un cadavre découronné. Ce drame d'un si haut intérêt est à peine indiqué dans l'histoire par quelques lignes sans commentaire. L'échafaud demeurait solitaire, on enleva le corps. Il était déjà enfermé dans le cercueil. Cromwell voulut le voir, le considéra attentivement, et soulevant de ses mains la tête, comme pour s'assurer qu'elle était bien séparée du tronc, « C'était là un corps bien constitué, dit-il, et qui promettait une longue vie. » Monsieur Delaroche, saisi à la lecture de ce passage de la grandeur de cette scène, s'est chargé d'écrire pour nous la haute poésie d'un tel sujet. C'est au Louvre qu'il a exposé cette page d'histoire, et nous n'avons fait que transcrire fidèlement ce que nous avons lu dans son ouvrage. Il y a dans cette peinture le résumé bien senti, le dernier acte bien expliqué de cette longue agonie de la royauté, se débattant contre l'échafaud, et si quelque bossuet jetait encore, du haut de la chair, toute la puissance de sa parole aux croyances des peuples, il eut pris l'éloquence du peintre, et la vue de cette grande image, fantôme d'une révolution passée, jetée sanglante au milieu des révolutions nouvelles, à côté de l'échafaud de Louis XVI, il eut soulevé l'auditoire de la puissance de ces sublimes émotions dont il avait le secret. C'est à une époque telle que la nôtre, dans un siècle où les destinées des rois sont trouvées sans point dans la balance des grands intérêts des peuples, que le tableau de Cromwell arrive, frappant de toute sa haute moralité. Nous aussi, nous avons eu notre Charles Ier, notre place de Whitehall et notre Cromwell, se croyant obligés de sceller son pacte de révolution de tout le sang d'une personne royale. Nous avons vu, comme l'Angleterre, une restauration de quelques années, puis nos Stuarts, allant hors de la terre de France chercher un Louis XIV qu'il ne trouve point dans l'ancien palais des Stuarts d'Angleterre. Qui sait si dans des nuits sans sommeil, l'homme du fossé de Vincennes ne s'est point montré sanglant, et la lanterne sur la poitrine à l'homme de Sainte-Hélène? mais qui ne penserait, en voyant cette dernière entrevue de Charles et de Cromwell, qu'elle seule tourmentait l'usurpateur quand, dans les dernières années de sa vie, il promenait sa couche brûlante dans toutes les chambres de son palais, fuyant les reproches muets de cette tête sans vie qu'il avait voulu peser de sa main. Le Cromwell de M. de la Roche, placé dans le grand salon carré près de la porte d'entrée, arrête tout d'abord le public, qui reste silencieux des heures entières, étonné des idées profondes et mélancoliques que ce tableau fait naître en lui. Près de là sont les moissonneurs de M. Robert, chef-d'œuvre d'exécution et qui, avant l'arrivée du nouveau venu, attirait presque seul l'attention de la foule, mais qui aujourd'hui, sans perdre rien de son immense mérite, nous paraît quelque églogue de Virgile à côté des poèmes du Dante. Et d'où provient une telle différence? De ce que l'un a pris son tableau tout fait, par quelques beaux soirs d'été, dans les campagnes de Rome, où tout est sujet pour les peintres, et l'autre, poète, chargé d'une mission du siècle, est venu, animant les héros de nos histoires modernes, leur donner pour nous un corps, et jeter au travers de nos révolutions la moralité de celle d'autrefois. M. de la Roche, dans son tableau des enfants d'Édouard, avait arraché quelques belles miniatures d'une ancienne chronique dont la touchante simplicité nous avait profondément émus. Mais aujourd'hui, c'est avec le large burin de l'histoire qu'il a gravé son sublime sujet. C'est la tragédie et sa proportion gigantesque placée dans un cadre et jouée entre deux personnages. Toutes les parties de ce tableau sont étudiées avec soin et scrupule, et l'on se demande si Cromwell lui-même, ressuscité, pourrait être plus vrai à nos imaginations que celui de M. de la Roche. Quelques personnes, induites en erreur par des portraits de Cromwell existants en Angleterre, le supposaient grand, élégant et d'une tournure moins lourde et moins épaisse. Mais il est bon de prévenir qu'après la mort de Charles Ier, l'on crut, dans plusieurs de ses portraits, devoir remplacer par la tête du Lord Protecteur celle que le malheureux roi avait laissée tomber sous une hache. Économie et entente des beaux-arts dont nous avons vu dans notre siècle de frappants exemples. Cromwell, puritain et soldat, était peu soigné de sa personne. Un large feutre qui couvrait ses tempes laissait échapper quelques mèches grisonnantes de ses cheveux plats. Une vieille plume rouge, un juste au corps de velours uni, une large épée, un hausse-col d'acier, des bottes de mufle noircies par le frottement, des gants usés, et sur sa poitrine, mais cachée à tous les yeux, la cuirasse de l'usurpateur inquiet. Tel était le costume de Cromwell, du reste d'une taille moyenne, 5 pieds 2 pouces de France, épais et la tête très peu hors des épaules. Tout en lui montrait et marquait d'un cachet ineffaçable le représentant du puritanisme. C'était une véritable tête ronde, un homme du peuple. Mais cet homme du peuple avait renversé de son trône l'élégant, le noble Charles Ier, malgré toutes ses qualités et son courage. L'effet de lumière est bien compris dans ce tableau. Ce jour triste, tombant sur le cercueil de velours, est d'un effet admirable. On sent ce calme solennel, la froide sueur de la mort, à côté des vivantes passions de Cromwell, que tout ce spectacle rend muet et pensif. Les accessoires sont peints largement et avec esprit. Enfin, en cette œuvre, M. de la Roche a encore franchi quelques degrés de l'échelle de sa réputation et a pris rang parmi les peintres les plus élevés de toutes les écoles. L'on peut compter ce tableau comme une victoire importante de la nouvelle école, de l'école dramatique, car en effet, jamais le dramatique ne fut mieux entendu, à moins de frais et plus complètement. Un homme immobile, un mort et un cercueil, et ces trois moyens, cette simple composition, remue l'âme d'une manière étrange. Représentation et pensée, tout y est admirable et complet. C'est enfin un tableau de palais de roi, destiné à être gravé pour les peuples avec cette simple légende « Et nunc intelligite ». C'était Cromwell. Par M. de la Roche, de Horace de Vielcastel.